Dans la prédication, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le 11 septembre 1960. Paragraphe 178 à 180. Il dit, c'est entre les mains des gens. Si vous croyez, la commission avait été donnée. Vous savez pas ça, mais la vie. C'est la chose initiale. Le panneau de signalisation a été présenté. Les différents signes classés. Maintenant, si vous voulez croire cela, si vous croyez que Dieu m'a envoyé au monde pour prier pour les malades, je serai capable d'offrir la prière de la foi pour vous. C'est de cette seule manière que cela peut être fait. Dieu ne peut jamais s'éloigner de sa commission. Quand il donne l'ordre, mes amis, c'est que Dieu a pensé ce qu'il a dit. J'ai été ici pendant près de 14 ans. J'ai été ici pendant près de 14 ans. Avec rien d'autre que des discernements clairs partout et partout. Dans ces 14 ans-là, 1946 à 1960, 14 ans. En 1951, on a dit il, son œuvre c'était d'évangéliser. En 1962, il rappelle, bon, peut-être je devais évangéliser, faire l'œuvre d'un évangéliste en attendant peut-être le changement du travail, quelque chose d'autre. Mais il y a eu un panneau de signalisation ou des signes qui ont accompagné son travail. Les deux signes annoncés par l'ange. Guérison de vie. En accord avec l'œuvre d'un évangéliste. Là, c'est l'œuvre d'un évangéliste. Ok. Et il y avait, il dit ici, discernement, des discernements clairs partout. Il dit pendant les 14 ans. J'ai été ici avec rien d'autre que des discernements clairs partout et partout. Bon, le panneau de signalisation a été présenté pour ramener les gens à croire et pour que rien ne résiste à ses prières. Les gens devaient croire d'abord son ministère. Avec rien d'autre que des discernements. À travers le monde. Au point qu'il y a eu des dizaines de milliers de fois, 1 million de cas. Je vous demande une seule chose. Une seule chose. Est-ce que cela a jamais failli? On demande ça au contemporain, au témoin. Est-ce que ça a jamais failli? Non, monsieur. Et si le panneau de signalisation ne faillit pas? Combien plus la commission elle-même ne faillira-t-elle jamais? Si les signes donnés n'ont pas failli, alors la commission ministérielle, la commission qui établit le ministère dans l'homme envoyé, elle est plus efficace que les signes d'accompagnement. Si les signes d'accompagnement ne faillissent pas, combien plus il ne nous ment pas. Il ne nous gaspille pas notre temps. Voyez. Et si le signe, c'est la partie secondaire, si le signe désignant la ville, s'il ne manque pas de faillir, de vous dire que la ville est là. Ce qui est le mot, c'est le côté de la ville. Combien plus la ville sera-t-elle là lorsque vous y arriverez? Voilà la commission. Le deux signes sont des signes. Mais la commission donnée en 1903. La commission principale. C'était que de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie dans le monde avec un message, je préparerai et préparera ma seconde venue. Cette commission est-elle infaillible? Je vous demande. Cette commission est-elle infaillible? Infaillible. Est-elle infaillible? Vous hésitez? L'on dit que les signes d'accompagnement n'ont pas failli. Si les signes n'ont pas failli, a fortiori la commission que les signes accompagnent. Boni, na musala oyo bilembo ezali nokolanda. Les signes, c'est la partie secondaire. Premier signe, deuxième signe, ça c'est pour accompagner. Même quand l'ange est venu en 1946, c'est là. Nous avons dit que c'était pour mettre en connexion avec la vision de 1934. C'est Branham qui parle, en 1960. Ouais, non, maintenant, mon ministère est en train de changer. Mon ministère est en train de changer. Maintenant, en 1960, mon ministère est en train de changer. Celui du missionnaire itinérant qu'il était. Vous rappelez? C'était un missionnaire itinérant. Vous ne vous rappelez pas. C'était un missionnaire itinérant. Il a fait le tour du monde et il a dit, il a pratiquement prêché dans chaque nation qui est sous le ciel. Alors, maquette, yé, abaluki na mokilio, yé, soki mbala na mbala, pona kote ya kama, bota nyon so yézali na sena mwese. Maintenant, mon ministère est en train de changer. Ça, ça y est, puis le tomo, nangai yango yé, bali ko bongoma. Il a déjà changé. Il y aura toujours des discernements. Mais ces discernements cadraient avec le ministère. Dieu n'avait pas dit qu'il était évangéliste. Quel ministère il exerçait alors? En allant partout dans le monde. Sans être évangéliste. C'est quel ministère? Thomas. Oui. Boye, Ntoma. Mais c'est l'apostolat. Et là, il y a un Ntoma. C'est l'apostolat. Et là, il y a un Ntoma. Mes chers amis, non pas un apostolat pour aller former des assemblées locales. Et là, il y a un Ntoma. C'est pour préparer les gens à recevoir un message. Voilà comment il y a un Ntoma. C'est pour préparer les gens. C'est ça la différence. Okay. Parce que dans la tête des gens, apôtres, c'est créer des églises. C'est pas ça. Non. Ici, on a affaire à un messager. Donc le message doit couvrir le monde entier. Donc, il ne doit pas limiter son travail à des assemblées locales. Allez, les problèmes des assemblées, les problèmes des prières. C'est un message mondial pour le monde entier. La mission est très haute. Que de venir organiser des communautés locales. Voilà ce que c'est. Il dit, maintenant, mon ministère est en train de changer. Alors, il a déjà changé. Il y aura toujours des discernements. Ils continueront toujours. Or, les discernements disent, où est où? Donc c'est le salamaka. Et si quand il est où est où? Tu m'en as dit, tu m'en as dit, tu m'en as dit, et dans un apôtre. N'est-ce pas vrai? On a vu ça jeudi. Jeudi dans les prophètes. Vendredi dans l'apôtre. Les discernements. Alors, et ces discernements, quand vous faites attention. Lorsqu'il exerce dans les prophètes. C'est beaucoup plus plein de grâce là. Mais quand ça opère dans l'apôtre, ce sont des frappes. Les châtiments. Et dans notre frère Branham, les deux ont exercé. Et l'aspect prophétique du discernement pour des milliers d'âmes et l'aspect apostolique du discernement avec des frappes dans les médias. Savez-vous ça? Les deux dans le même homme. Alors notre titre est là. William Branham identifié comme apôtre et prophète. Maman William Branham dans la majorité des cas, le discernement des secrets de cœur, ça a aidé les gens à retrouver la guérison divine, à trouver la grâce de Dieu, le salut, même être identifié dans les affaires du Saint-Esprit. Mais savez-vous qu'un jour, il y a quelqu'un qui était assis à une table dans sa famille qui a dit, mais cet homme de Branham, il fait des succès et tout. Bon, nous allons les tester. Alors, comme il a le système de carte de prière, nous allons prendre une carte. Nous allons faire un complot à table chez eux. Na mesa na bango penza basali likita. Et l'homme s'est battu au secrétariat, il a récupéré la carte de prière. Et comme chacun devait déclarer la maladie qu'il y avait là-bas, donc il est son frère pour laquelle il demandait la prière, il a écrit cancer et tuberculose. C'était pour tester. Il s'est amené. On appelle le tour de sa carte. Est arrivé. Branham Atali. Il dit, monsieur, vous n'êtes pas malade. Au lieu de se ressaisir, il dit, non. Non, monsieur. C'est écrit là-bas. C'est écrit sur la carte. Et comme mes cousins, on est dans un problème, regardez. Branham Atali. Monsieur, vous n'êtes pas malade. Vous êtes dans la nuit. Il insiste. Non, c'est écrit. Et comment mes cousins, veuillez s'il vous plaît lire la carte. Et tanga na nata kala tanga wana. Voilà ce qu'il y a eu. Tala oyezali. Tel jour, à tel endroit. Vous étiez assis autour d'une table. Vous avez commencé à parler du service divin à mal. Et toi, tu as pris l'engagement devant les gens de venir éprouver l'esprit de Dieu. Comme tu as écrit cancer et tuberculose. Voilà. Il t'appartient maintenant. Ça, ça est dit. Les deux maladies sont sur toi. Ma maladie est dans le corps. Il a commencé à demander pardon. Cancer, notre bégo, il m'a dit la loi. Ça, c'est apostolique. Voyez-vous l'autorité apostolique? Voyez-vous ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira? Ce qu'il y a eu avec Simon le magicien? Ce qu'il y a eu avec Elimas le magicien? Paul devant Elimas le magicien? Devant Simon le magicien? Ils sont venus tenter l'esprit de Dieu? C'était la France de l'immédiat! L'autorité apostolique! Vous dites amen. Dieu soit béni d'en avoir envoyé un comme ça à l'ancien monde. Et tes hommes et femmes de la mapate et celui qui n'est pas du sabon comme vous. Mais alors moi, il va t'accala. Amen. Discernement accompagné de châtiment divin. Les pentecôtistes aveugles commencent à dire, oh, Bradam, Dieu a dit de ne pas maudire les gens. Comment lui il peut faire des choses comme ça? Pourquoi il peut oser faire ça? C'est pas un chrétien. Alors si Branham n'était pas un chrétien, Paul non plus n'était pas un chrétien. Sur le champ frappe. Amen. Yangonde kola lo bia oboye. 2 Corinthiens chapitre 10. Ba Corinthi ami bale mukapozomi. 2 Corinthiens 10 dit ceci. Verset 7. Verset 7. Verset 7. Non, commençons au verset 6. À 9. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Ami lobele ye moko ete pela moko ye azali moto na Kristo biso pe tozali bongo. Et même si je me glorifie un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Cette autorité existe. Avec la possibilité de détruire. Mais quand Dieu l'envoie à l'église, vous édifiez l'église. Mais ne venez pas désobéir. Tentez l'esprit de Dieu comme un être vivant. Parce que là vous aurez le châtiment immédiat. C'est l'autorité que le Seigneur donne aux apôtres. Il dit amen. Non, il y a un autre chose à l'ébongo. Attends, Nazali Koleka, moi. Et il faut faire sa tâche du devoir. Exercer les attributs que Dieu a placés là. Qui que vous soyez. Si le diable vous envoie pour tenter et faire un affront, parce que notre Dieu est capable de tout. Il peut frapper sur place. Il est une conséquence est durable. Elimas a été frappé aveuglément. Il s'est mis à tâtonner pour chercher son chemin. Autorité apostolique Basakanagati. Amen. Koya komekate, o teste eske zalagato e zalagate. Soki autorité wana zambate yango, o ko regrete. Amen. Ce sera trop tard, mais o ko regrete. Mais Dieu l'envoie pour édifier l'église. Mais l'église, c'est celle qui croit, non pas celle qui vient pour tenter le Seigneur. Et que les gens aient des avantages de la foi. Mais regardez l'autorité prophétique. Verset 25. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tomba sur sa face, non pas châtié, mais il devient adorateur. Tomba sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Ce qu'on est nous, parce que ça wana et qu'on est là, mozangi kondibato, motonamoka. Akoyo kisama soni na nyoso. Akomekama na nyoso. Makambo mabomba mina motema na ye, makomona na polili. Pe, bongo akokwea elongi na ye. Wana azalite ya beta metumbu kasha komi mkumba meli. Akokumba elongi na ye, kosambela kanzambe, akolobaka polele ete, na solo, nzambe azalikati na bino. Au départ, il était un non-croyant, comme la Bible dit au verset 24. Au départ, il était un simple auditeur d'Allah. Pas vraiment un croyant. Mais quand le discernement prophétique opère, vous dévoilez les secrets de cœur. Oh, le jugement va peser sur sa conscience. Son péché sera condamné. Et alors, il tombera sur sa face. C'est la conversion d'un simple auditeur, d'un non-croyant, qui devient là sur place un adorateur. Dites-moi. Le magicien était-il devenu adorateur? Était-il tombé sur sa face? Il a eu le discernement apostolique. Il savait aller perdu. A-t-il adoré le Dieu de Paul? Il est reparti perdu. Ananias et Saphira. Aussi, l'État est tombé sur les faces. La Bible dit qu'ils se sont effondrés. Mais après de mort là même. Mais pas l'occasion de dire Dieu est ici. Le même est parti. Que Dieu nous aide. Je sais qu'entre le discernement prophétique et apostolique, vous allez choisir, vous, le discernement prophétique pour en bénéficier, avoir un peu de grâce et alors se réconcilier avec Dieu, pourquoi pas. Amen. Na bongo na yebiete na bososolo mibale oyo uti na mosakolito oyo uti na ntoma bino bokolinga bobele bososolo ya basekele oyo uti na mosakoli poete bosangola libula botubela bokoba bokenda mali bosu. Dans la majeure partie des cas, pour les 14 années là, de 1746 à 1960, le discernement était plus prophétique. Il y a eu plus de bénéficiaires que des gens frappés. Les cas de frappe étaient rares, de ceux qui venaient pour tenter. Donc ça, c'était rare. Na bongo pona otali mosakoli William Branham na mibu oyo 14 kolongwa na mubu ya koto moko kama libotu 14 na motoba kino na mubu ya koto koto moko kama libotu 10 motoba mingi mingi za kinde bososolia bosakoli oyo batu bazwa ki bosungi mingi kasi bosakoli ya bontoma ezala ki muke oyo batu bazwa ki bitumbu. Et Dieu ne frappe pas en vain. Il frappe quand il est tenté, lorsqu'il est défié fortement. Zambe abeta ka mutu bobele pambate ezali ndeko abeta ka tango mutu amekiye pe achetembe. Mais quand vous venez pour être secouru avec vos problèmes, vous cherchez des solutions, il va vous dire ce qui ne va pas. La parole discerne les pensées de cœur et résout vos problèmes. Na bongo soki okoya na pasi na yo na makambo ezali kotambola te ozali kolukete lisungi na bongo lisosole kozale pe liloba ekoye bisa yo oyo ezali kotambola malamu te kati. Alors, je termine la lecture du paragraphe 180 du sermon. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Sili sa kotanga ya mulongo o ya mukama tukumambe o ya lite ya na kosala na yo longo pela moko nenga na sala kina mose. Maintenant mon ministère est en train de changer. Ça ça y est pile to monanga ya ngo ba dikela. Il a déjà changé. Sili de kobangwa ma. Il y aura toujours des discernements. Vos sociales na masekele. Et nous continuerons toujours. Et pourquoi batango nous. Tant que je sentirai que Dieu veut que je le dis. Tango na koyoka et nzambe alingete na lobela yango. Mais jusque là, à part ça, je prierai et imposerai les mains aux malades. Comme il me l'a dit, il m'a dit de le faire, et j'exécuterai ma commission. J'ai attendu ceci pendant longtemps. Mais je crois que maintenant, nous sommes prêts à nous emparer de la terre promise. Ça s'est dit, mais il y a Il dit, et c'est certain qu'il y aura quelques Rahab qui attendent. Qui attendent la commission principale du message. Il y aura quelqu'un qui attend. Et qui le croira de tout son cœur. Qui attend ce que Dieu avait dit dans l'appel de William Branham. Il y aura une œuvre à faire avec toi quand tu seras plus âgé. Qui attend l'exécution de ce que Dieu avait dit. Je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Un message dont il est seul porteur et responsable. Na bongo ezali na moko oyo azali kozela na onzambe alobaki na ndeko Branham ete. Ozali na musala moko ekosala tango okosala mukolo. Na bongo azali nde kozela kande musala yango lokola tindaka yete nazali na kotinda yo na sango oyo ekobongisa kande boyoyi na ngai ya mibale. Mutu moko azali kozela yango ezali nde sango ya bilembo sambu. Amen. Donc nous venons de décrire la vision ici du 22 décembre 1962. Et son accomplissement le 28 février 1963. L'apparition du Seigneur lui-même. Entouré de chérubins de son trône. Chers amis, c'est pas une blague ça. Le trône de Dieu décrit là-haut. Des années sous le ciel. Avec la tête du trône présente. Pas tout le corps projeté, mais la tête, juste la tête. Un génie du temps prophétique. Un message doit être donné. Et que ce message vient de Dieu lui-même. C'est lui qui est assis là-bas sur un trône très élevé. Mais par la face duquel les séraphins cachent leur visage. Les mêmes gens qui étaient présents là-bas. Tous les soleils ici n'ont pas sur terre. Dieu n'est pas venu sur terre. Dieu ne peut pas piétiner la terre. Amen. Parce que le verset ne soit fini aussi. Amen. L'église soit d'abord enlevé, que le verset ne soit fini. Amen. Alors son pied foulera la terre. Même quand il viendra pour l'enlèvement, il ne va pas fouler la terre. Ça sera dans les cieux. Mais ici, il a donné un signe pour que le monde entier reconnaisse cela. En guise d'avertissement et de préparation. Maintenant, quand ces choses se sont passées dans la publicité, le message de soi était prêché à partir du 17 mars 1963 jusqu'au 24 mars. Voyez, le premier jour, le 17 mars, il a prêché le matin. Un serment intitulé Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. L'histoire de ce premier jour. Pourquoi il prêche la brèche entre les sept âges de l'église et les sept sceaux. Kati na biloko sango pe bilembo sango. Zela ko fongwama oyo ekaboli bileko sango na lingomba. La brèche. Le jour suivant au soir. Le lundi donc. Parce que le premier jour était un dimanche. Le matin, Dieu caché dans la simplicité et révélé dans la simplicité. Le soir, la brèche. Lundi soir, le premier jour. Mardi soir, le deuxième son. Et à la fin, il dit, je ne connais rien du troisième son. Je retourne dans la pièce. J'attendais jusqu'à ce que l'ange vienne me dire ce qu'il a mis. Mercredi soir, troisième son. Jeudi soir, quatrième son. Dimanche soir, quatrième son. Il continue à annoncer chaque soir, le prochain son. Les gens sont venus fraîchement du ciel. Au lieu de prêcher le septième son le matin, il organise la séance de questions-réponses sur les sauts. Il tournait les gars déjà. Les soirs, il vient maintenant prêcher le septième son. Sans laisser place aux questions-réponses. Vous suivez la scène? Alors quand il a prêché le septième soir, le dimanche soir là, il avait compté. Jusqu'ici, il ne va pas plus loin. Quand il prenait notre camp, là, je lui parlais. Mais en parlant, il n'avait pas respecté cette consigne. Après, le Seigneur l'interpelle. Alors, hors de réunion, le lundi matin. Il revient au bureau, au Branham Tabernacle, pour redresser une partie de ce qu'il avait dit et dire, écoutez, à partir de tel endroit de la bande, stoppez, ça ne publiez pas. Prenez ce que j'ai dit ici. Et il a commencé à parler, on a enregistré. Il enregistre, il parle, il explique. Prenez ça, mettez à cet endroit-là comme partie finale du septième son. Na bongo tango ateki mukolongo ya lomingo na mpokwa elimbo ya sambo. Lokola komaki na lokasa tango mwa njelu wa banda kopesa ye moniseli ya elimbo yango. Nde ayebisa kete tango kokoma osuka kokenda musika te. Nzoka nde tango ya teyaki abosanaki oyo mwa njelu ayebisa kete alobi lobi makambo bele koleka. Na sima mwa njelu akebisiye. Nde na mukolongo musala moko nde azongi na isika na ye na musala. Nde abengi batwete bomoni na etenye sika oyo bosuka kiwana. Et bolongo la biloko wana nyonso eza na sima wana tala oyo esengeli na bino bozongisa po ete ezala na mobimba nango nde abandi koloba bazali nde kokanga maloba yango wana na babandu. Il fallait maintenant faire fonction des deux, une prédication, une version officielle de la partie terminale du septième son. Okozala na liteya oyo ekopesama na bato nyonso na oyo etaleli nde elembo ya sambo. Les frères de Suisse, des fins frères Alexis Barlier, quand ils ont traduit le septième son, ils ont respecté ça comme ça. Tango bandeko na Suisse, balimolaki, elembo ya sambo, batosaki elako wana nyonso. Mais les frères de la voix de Dieu, kasi bandeko oya mungongo na Nzambe, ils le disent eux-mêmes quand vous prenez le condensé de cette sorte. Ils le disent, à partir du paragraphe tel jusqu'au paragraphe tel, que Branham n'avait pas autorisé. Mais nous avons décidé de publier le tout. Après son départ, hein. Nasima, et regardez maintenant la confusion qu'il y a dans le milieu du message autour de cette tonnerre et du septième son. Ils ont une part des responsabilités. Mobulo kote na bitonga na kolobelaka bakake sambo makambo ndenge na ndenge. Bangote bazali na mukumba ya makambo kote na mobulo. Dieu nous aide à respecter les consignes. Nzambe asunga bisoto tosa oyo. Dieu n'est pas notre grand-père. Nzambe kokwa tsa. Quand il vous interdit une chose, il interdit. Soki apekisa eloko ayebi ntina. L'ange avait dit, moi je l'ai jusque là, n'en dis pas plus. C'est humain. Il vient corriger. On le corrige encore lui. Et après on se console. Après tout il l'avait dit à la chair. Et on n'a rien inventé. Il avait dit. Nous sommes respectez les consignes. Dans le service divin. Le salut des âmes en dépend. Chacun répondra pour ce qu'il a fait. Vous n'allez pas coller après Branham les choses dont il n'est pas responsable. Êtes-vous là? Amen. Que Dieu seul oui. Maintenant, après avoir présenté le message comme ça, les gens n'ont pas compris. Alors ici, il s'est découragé. Voyons pour terminer ici. Dans, debout dans la brèche. Dit 23 juin 1963. Êtes-vous épuisé? Bolembi. Bon, si vous êtes épuisé, dites-le. Bolembi. Nous pouvons mettre une virgule ici. Soyez sincères. Tokata. J'avais une position claire du plus grand nombre. Tokata Otobakisa. Banem Balobi Tokata. Bolo batokata. Bolo batokata. Bolo balo bitokata. Un doigt. Moussa Pimoko. Bon. Banani balingi tokoba. Banani balingi tokoba. Oh, c'est pas tout le monde non plus. Batepe batignon sauté. Oh. C'est une majorité, mais pas tout le monde. Mais non, mais vous ne donnez pas de position là. Vous voulez quoi au juste? Bino balobi. Frères et sœurs, vous voulez quoi au juste? Tokata. Olobite. Donnez pas tokata te. Vous voulez pas tout le monde. Vous prononcez. Olingi te koloba. Tokata, tokata te. Ozakuna te. Aux une église, une autre aux une église. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide. Hein? Alors, cette déclaration ici, dans debout dans la brèche, je pourrais juste lire, mais ça ne donne pas tous les commentaires. Nous ferons les commentaires prochainement. Voulez-vous? Nous lisons juste. Je fais la lecture. Et je ne sais pas ce que vous allez en comprendre dans l'immédiat. Je prends le paragraphe 117 jusqu'au paragraphe 123. C'est pas trop long, hein? Mais c'est très important. Après la prédication des sceaux, nous sommes le 23 juin 1963. 3 mois après l'enseignement sur le sceau. Sans amisa tu nasima ya matéya oyo ya bilembo. Ils allaient dans mon colo tout comme les amisa tu sans ya motoba mubuya kotomoko. Alors, il raconte ce qui s'est passé lors du voyage retour. Azalinde kobeta kali solo na oyo les quartiers. Il est accompagné de son fils Billy Paul. Azalaki na. Il a fouillé déjà pour aller vivre en brousse. Il ne voulait plus rester dans les villes et tout ça. Abanda koki meta kia. Tellement le message n'était pas bien compris. Pete sango et sosola mito yo kami malamu na batu. Important message de ces sceaux négligés. Pete sango pesa bilembo sango. Les gens ont fait dans le formalisme comme s'il y avait rien de spécial. Et pourtant quand on explique ici, vous comprenez que le trône de Dieu c'était déplacé dans les airs. Quand vous voyez les chérubins, les chérubins, un témoignage infaillible. Le roi du grand trône est là. Mais un tel signe soit passé inaperçu. Que les gens continuent à manger leurs histoires en rigolant. En venant à l'église, des fois en retard et tout ça. Alors son fils, Billy Paul, qui était dans la voiture, quand il est parti pour s'enfuir comme ça, Dieu lui a demandé de retourner. Alors son fils a commencé à dormir. Alors, moi, je me mis à rouler rapidement. Passant par les montagnes et me rapprochant de la frontière de l'État. Nous rentrions à la maison dans l'Arizona. Mais nous étions dans l'Outaï. Alors comme nous arrivions au bas des montagnes, à une vingtaine de miles de la ville, quelqu'un s'est mis à me parler. Comme la voix qui me parla au sujet des écureuils. Je vous ai déjà raconté cela. J'ai entendu une voix me parler. Comme vous pouvez entendre ma voix maintenant. C'est une voix audible. Peut-être que l'on pensera que je suis malade de nerfs. Mais je n'avais pas fini d'exprimer des pensées qu'elle me dit. Est-ce que je t'ai déjà dit quelque chose d'autre que la vérité? La voix s'était mise à me parler. Je parlais avec Dieu. À haute voix, comme vous entendez ma voix, je parle. Est-ce que je t'ai déjà dit quelque chose de faux? Quelque chose d'autre que la vérité. Alors, il me dit, exécute tes plans et tu seras ainsi. Un clochard donc. Donc, clochard. Quitter la ville, ne plus abandonner le ministère, aller vivre à la chasse en brousse. Parce que les gens n'ont pas compris. Il me dit, exécute tes plans et tu seras ainsi. Je lui dis, mais Seigneur, je ne veux pas être ainsi. Il me répondit, ta femme aussi s'en ira. Elle ne voudra pas vivre dans les montagnes comme cela. Il te finira par devenir un clochard exactement comme tu l'as vu dans le rêve. Je dis, ce n'est pas ce que je veux. Je voulais quelque chose de différent. J'ai cru comprendre que tu m'avais appelé comme prophète. Et je voudrais vivre dans le désert comme les prophètes. Ce n'était que des excuses pour pouvoir aller à la chasse. Je ne cherchais que mon propre intérêt. Alors Dieu me dit, cela était valable pour les prophètes de l'Ancien Testament. Tu as été appelé à une fonction beaucoup plus haute. D'autre part, tu as plus de dons que. Amen. Tu as été appelé pour prier pour les malades et prêcher l'évangile. Amen. Dans ton ministère apostolique. Dans ton ministère apostolique. Tu connais des choses plus glorieuses et tu as beaucoup de grands dons. Amen. Pourquoi attends-tu que je te pousse chaque fois que tu dois avancer? Où est ta récompense? Te rappelles-tu de ce que j'ai dit hier? Te rappelles-tu de ce que le frère Robertson t'a montré dans sa vision? Tu as fait comme Moïse. Tu as oublié de ressentir les sentiments de ton peuple. Tu as oublié l'appel par lequel je t'ai appelé. Oh, j'ai laissé les malades dans leur lit de maladie. Et j'ai demandé au Seigneur de me dire où aller et où ne pas aller. Je me suis fait un complexe parce que les gens n'ont pas écouté mon message. À Dieu ne plaise. Je n'ai jamais essayé de comparer ma vie à celle de Moïse. Mais c'est exactement ce que fait Moïse. Le peuple ne voulait pas l'écouter. Lorsqu'il vint leur apporter la délivrance, il les abandonna et se réfugia dans le désert. Mais Dieu les fit revenir. Il avait depuis longtemps oublié les souffrances du peuple. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Je n'ai qu'une instruction primaire. Mais des foules sont venues de partout pour entendre le simple évangile. Et il y a plus que cela. Plus que le simple évangile que les foules sont venues entendre. Aujourd'hui, c'est plus glorieux que sous l'ancienne alliance. Car il est monté en haut. Et il a fait de ensemble. Vous comprenez? Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je parlais et j'entendais cette voix me parler, puis elle me quitta. Il a parlé avec qui? Nanzambe. Lui-même était Dieu? Dieu l'a blâmé. Zambé a pamela qui? Il l'a ramené. Au poste du devoir. C'est le titre même, la brèche. Non pas la brèche entre les sept âges de l'église et les sept sceaux. Mais la brèche, tomber dans la brèche, prier, intercéder pour les coupables. La brèche de prière. Le poste qu'il avait abandonné. Et Dieu l'y a ramené. Lui dit, j'avais cru comprendre que j'étais un prophète. Mais Dieu lui dit, dans ton ministère apostolique, tu as compris. Lui, il a cru comprendre que Dieu l'avait appelé à être prophète. Mais il n'a jamais dit aux gens qu'il était prophète. Quand il présente cette excuse à Dieu, Dieu lui dit, dans ton ministère apostolique, il n'y a plus de dons que tous les prophètes dans cette époque. Vous vous rappelez? Amen. Moïse. Mose. Y avait-il en Israël un prophète plus grand que Moïse? Et pourtant, le Seigneur a comparé William Branham à Moïse. Mais quand Jésus-Christ est venu, il y avait un prophète plus grand qui avait déjà parlé jusqu'en ce temps-là, plus que Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste était plus que Moïse. Mais il n'a fait aucun miracle. N'a fait que prêcher le message préparatoire pendant 6 mois. Pour amener le peuple à recevoir le Christ. Et il était plus qu'un prophète. Et tous ceux qui étaient nés des femmes, il en avait préparé des plus grands que Jean. Et Moïse était né des femmes. Isaïe était né des femmes. Samuel né des femmes. Zacharie né des femmes. Attention messieurs. Maintenant, je dis de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste. Pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message. Mais les gens n'ont pas écouté son message. Lui s'est fait un complexe. Il a fouillé. Il voulait se réfugier en Bourse. Dieu dit, ta femme va s'en aller. Ce sera un clochard qui va dormir. Ouais. Dieu peut faire de nous tout ce qu'il veut. Ne pensons pas que parce qu'on a été à un certain niveau, c'est que je ne veux plus faire. Attention, il reste Dieu. Il peut se ridiculiser. Régnez Dieu tout le temps. Vendredi, on l'a dit, ne vous habituez pas trop avec Dieu. Ayez toujours sa crainte avec vous. Que Dieu est très surprenant. Craignons-le tout le long du chemin. Là où Branham croit comprendre son ministère prophétique enfin, avec la prédication des sceaux, Dieu lui dit ton ministère apostolique. Et son ministère apostolique que Dieu avait placé en lui valait plus que celui des prophètes. William Branham, identifié comme apôtre et prophète. William Branham, est-ce de Dieu? Que cette identification vient. Avez-vous vu un peu en quelques mots? Je n'ai pas prêché comme d'habitude, un peu entrecoupé, comme si j'ai raconté une histoire. Mais ne vous en faites pas, la vérité a été dite. Amen. Dieu, il est un Dieu de diversité. Amen. Et pour votre patience, que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Amen. Il y a de très bonnes choses ici. Amen. Alléluia. Prenons le cantique Hosanna numéro 18. Ô vous qui n'avez pas la paix. Motango yazomi na mambe dino bato bozanga kimia ave pa la pe vele demander maintenant à chacun. Tokumba menaye, mokora mokora msosa saipi. Sur la route des cieux, nos belles notes, toi que j'enchaîne. Yeah. démantèlent ce monde. Des matières, des critiques, des plaintes, des murmures, d'agitation, d'incrédulité, de réactions charnelles, montant plus haut, comme des princes du Dieu vivant, comme des fils et des filles du roi, les rois qu'Isaïe avait vus. Il a un trône très élevé. Le roi est apparu là-haut. Entouré des anges de sa sainteté. Ces êtres angéliques aux ailes pointues. Ah, quelle grâce que Dieu nous fait en ce temps. Pendant que le monde se demande ce que c'est, nous savons que c'est notre Seigneur Jésus qui est là-haut, en train de nous regarder. Il est le juge suprême. Il jugera le monde entier. Il frappera ce monde d'iniquité. Dans peu de temps. Mais avant qu'il ne frappe, puis il sera enlevé. Dans un départ soudain secret de l'Église. Avant que le grand châtiment ne frappe le monde. Et l'ensemble des nations de la terre. L'Église sera partie. D'après vous, de quoi s'agit-il? Pourquoi Dieu a-t-il fait tout ça? Pourquoi te révèle-t-il tout ça? Pourquoi prend-il du temps à t'expliquer tout ça? Ta vie doit être révolutionnée. Il veut que tu vives dans sa sainte présence. Avec beaucoup de réalisme. Non pas d'illusion, des imaginations. Non, que Dieu est si réel. Jésus-Christ ressuscité est apparu encore. C'est une grande preuve de sa résurrection. Et notre religion est la seule vraie. Le christianisme, la seule religion vraie. Ah, Jésus est ressuscité. Et il est apparu. Le même qui était apparu à Saul de Tarse. Sur le chemin de Damas. Le même qui était apparu à Pierre. Et à tous les apôtres. À un groupe de 500 frères. À deux frères sur le chemin de Maus. Le même Jésus-Christ nous est apparu. Notre religion est la seule vraie. Tiens bon, tiens ferme. Aucun isme ne te déroute. Le christianisme est la seule religion vraie. Il y a le salut en elle. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, ces choses sont plus profondes que nous les pensons. À y penser, point par point, nous pouvons passer des nuits entières à l'église sans plus vouloir nos maisons. Ou sérieuses, où il y a des irritations, des tentations et des énervements, des provocations et des péchés. Mieux vaut un jour dans ta maison que mille que nous passons à Dieu. Ta parole a raison, Seigneur. Déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Un amour tel que nous aimerons les séjours de ta maison. Nous aimerons les séjours de ta présence. Nous aimerons la communion fraternelle. Parlant de toi. Parlant de toi, le ressuscité. Qui vit éternellement. Le prière aujourd'hui. Le miracle. Oh Père, oh Tata, ôte la mondanité, brise l'amour de l'argent, brise l'amour de plaisir plus que Dieu. Nous voulons aimer toi Dieu plus que le plaisir, plus que le loisir mondain, plus que les intérêts de la terre. Déverse nous l'amour parfait, Seigneur. Et nous pourrons élever les choses du ciel, plus que les choses de la terre. Convertir nos cœurs, convertir le cœur de nos sœurs, pour que les familles comme à l'ancienne mode. Qu'elle s'habille comme dans l'évangile. Qu'elle s'habille comme les sœurs de l'au-delà. Le converti du ministère de Branham. Il y avait la retenue de sang. Couvrant tous les corps. Avec leurs longues chevelures. Naturelles. Au Père. Alors que nous sommes dans cette tente du péché, nous prions pour la guérison. Nous prions pour le salut éternel. Nous prions pour la vie éternelle. Nous prions pour la délivrance totale. La grâce de Dieu sur chaque âme. Pardonne nos péchés, Seigneur. Et rends-nous pareil à Jésus-Christ. Nous voulons se refléter. Être des vrais frères éternellement. Des chrétiens exemplaires. Comme tu nous l'as dit ce matin, que ta parole produise ta vie à chacun de nous, Seigneur. Réveille-nous du sommeil, retire-nous de mondanité, des discussions inutiles, des passesses de la terre. Élève-nous dans la spiritualité. Au nom de Jésus-Christ, exauce la prière de chacun de nous. Et quand nous allons sortir, accompagne chaque âme. Toutes celles qui a écouté ta parole, qui a cru ta parole, qui croit à la commission, accompagne cette âme. Fais-lui du bien, Seigneur. Apporte-lui ta visite. Visite surnaturelle pour ramener la flamme de réveil. Que cette âme soit en feu pour Dieu. Que nous soyons chiants pour les autres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous t'adorons. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse.